Le 15 juillet, l'Association britannique d'études de la politique de Sun-gun a inséré spécialement dans leur homepage d'Internet un écrit en l'honneur du dirigeant coréen sous le titre « Le nom auguste du général Kim Jong-un ». À cette occasion, leur homepage d'Internet a présenté sa photo.